Bonjour. Aujourd'hui, l'actualité me pousse à vous lire un texte que je trouve essentiel, qui est apparu il y a quelques années, mais qui date de un peu plus longtemps. En fait, c'est un texte original de Zoé Léonard, une artiste new-yorkaise. Il a été lu pour la première fois en Suède au moment des législatives de 2010, en fait, sur fond de montée du parti d'extrême droite, qui a d'ailleurs fait son entrée pour la première fois au Parlement européen lors de ses élections. En fait, il date de 1992. Il a été librement traduit par Agnès Giard pour Next Libération quand il est arrivé en France. Mais ce manifeste s'est répandu en fait dans plein de pays européens et ailleurs, Finlande, Estonie, Danemark, Espagne. Enfin maintenant voilà, il y a même un site qui lui est consacré avec des traductions dans toutes les langues du monde. J'essaierai de vous mettre en fait en lien du commentaire de cet audio un maximum de renseignements pour trouver ce texte et pour le diffuser le plus possible. Le voici donc. Manifeste. Je veux une Gwyn comme présidente. Je veux une Gwyn comme présidente. Je veux qu'elle ait le sida. Je veux que le premier ministre soit une tapette qui n'a pas la sécu. Qu'il ait grandi quelque part où le sol est tellement plein de déchets toxiques qu'il n'a aucune chance d'échapper à la leucémie. Je veux une présidente de la République qui a avorté à 16 ans. Une candidate qui ne soit pas la moindre des deux mots. Je veux une présidente de la République dont la dernière amante est morte du sida, dont l'image la hante à chaque fois qu'elle ferme les yeux, qui a pris son amante dans ses bras tout en sachant que les médecins la condamnent. Je veux une présidente de la République qui vit sans clim, qui a fait la queue à l'hôpital, à la CAF et au Pôle emploi, qui a été chômeuse, licenciée économique, harcelée sexuellement, tabassée à cause de son homosexualité et expulsée. Je veux quelqu'une qui a passé la nuit au trou, chez qui on a fait brûler une croix et qui a survécu à un viol. Je veux qu'elle ait été amoureuse et blessée, qu'elle ait du respect pour le sexe, qu'elle ait fait des erreurs et qu'elle en ait tiré des leçons. Je veux que le président de la République soit une femme noire. Je veux qu'elle ait des dents pourries et un sacré caractère. Qu'elle ait déjà goûté à cette infâme bouffe de l'hôpital. Qu'elle soit trans, qu'elle se soit droguée et désintoxiquée. Je veux qu'elle ait pratiqué la désobéissance civile. Et je veux savoir pourquoi ce que je demande n'est pas possible. Pourquoi on nous fait gober qu'un président est toujours une marionnette, toujours un micheton et jamais une pute, toujours un patron et jamais un travailleur, toujours menteur, toujours voleur et jamais puni.